bien sûr que je finis à vous dire la nuit. Lentes amours, le sommeil m'a laissé sur le pied de mon lit, comme après le théâtre où je suis vieille en chaud. Ils ont passé les ans en bout de sa vie, à s'en foutre le dos, à s'entraîner le vent du milieu de ma vie. Je suis retourné, une porte fermée et une envolante. Somnambulé, sonné aux lampes à rebord. Retour.